faire la vie, m'a assommé, leur assommé, mon tel sommet. Désolé, si je viens pas te consoler, ta tête au pied, je suis consumé. C'est peut-être que j'en ai trop consommé. J'écris des textes face au frappe, sec, mec, v'là, l'IAD et la Vega. Pour ces gars qui combattent le même combat, Marseille à Bogota, v'là. Un petit rital qui étale, surface et sentiment, par l'état en écoutant la bombe, tu sentis mal. L'album, j'en ai un bon pressentiment, et nique ça, las. J'viens faucher les tasses, enfoncer l'état, car frère, il est temps tout descendre. Se faire entendre du 9 d'eau, 1330, rimeur de rime, 50, poseur de briques, t'entends. Ma haine alimente mon cordon, faut que t'entendes, man. Ce serait la merde si on ferait tout salement. Chaque jour, trop de cœurs sont touchés terriblement. J'ai vu trop de frères partir et il me manque. J'nique ça à l'état et au Schmitt et tout le gouvernement. Je reprends une fois de plus dans ma configuration initiale. Sur le beat, faut que j'assure le pic à la ceinture. Non-code, narco, armé de rimes qui font mal. Je le cousais à Rocco, rap arrête dans les annales. Si tu trouves mon rap pas mal, dis-toi que je rappe pour mes gars. De Marseille jusqu'à Paname, dans ce beat, je dois me battre en évitant les coups de patte. Je dois me battre pour ma place, la place déchirer le mic. On est des requins dans ce milieu, on pourra représenter Nike. Mike ou crack, de toute façon, je vois pas la différence. Les deux sont des drogues dures et augmentent notre impédance. Avec le mic, pas d'effet Larsen dans le rap. Je me marre seul, au mic c'est l'instru que j'harcèle. Pas d'accélération, attention à l'évasion. Du son d'ample et à tonton, on est prêt pour le marathon. Pas le droit à faire faux bon, c'est du bon, du lourd, on est en tête et pas dans le peloton. T'inquiète, on est aussi bien armé qu'Al Capone. Pour charger l'album, pour charger l'album. Crimé des cavertiges qu'a isolé, mais pour braquer, te plaquer contre le sol avec poids de son RAT. On a entendu des portes claquer pour conquérir leur VIP. On va enfoncer des portes auxquelles on retrouve pas la clé. Mon texte pour qui frappe, pour qui cale, pour qui plaque. 2005 à isoler, on est là pour en parler. 13170, là où les mecs disent qu'on est peu dissipé, mais c'est déjà anticipé. Parole accrue à la hauteur de leurs idées. Trahir une nation, c'est une indignation. Pour les chefs d'état, ils ont eu leur pack avec mention. On est sous tension, détention. On est là dans l'action, marcher toute l'année. Va finir comme une pétale fanée, sans persévérer. L'objectif de nos pensées, HS. Leur réponse sur le ring pour vertige qu'a isolé. Attaque verbale qui fait trop mal à la barbare. Désolé, maman, remettre-toi en place. Nique le mic en face à face à ceux qui crachent en face. Ça rase. Leur faire boire la tâche, ma balle rase. Leur histoire du fric, vers sur un vénère. Car aujourd'hui, on est là pour mettre le sauvage, la muselière. Plus de quantité de faits et moins quantité de désert. Car je vais faire de ma vie un de ces putains de SLR. Avec le code en 3, le cheat VR du jeu. Un mec qui débarque au sud en provenance de l'est. Alors laisse tomber tout ce que tu pensais être un beau flow. N'essaie même pas nous soulever quand tu te feras trop mal au dos. On est là pour attaquer, virer tout, laisser aller pour tous les amateurs du sucre ici, y'a des rimes salées. Dépoussolé mais pas perdu, pour la famille toujours vertu. Et en vertu contre les faux, j'envoie ma rime qui tue. Quoi supposes-tu, je suis obstiné de faire trop mal à cette actu. Ma tête est claire même si souvent elle est sous l'effet des stus. Cartouche pleine, meilleur client chez mon armurier. Cartouche mon blesse, tu prends le feu pas la peine de débroussailler pour allumer les poulaillers. Et ce système pénitentiaire, j'espère que les poulets vont choper la grippe aviaire. C'était que VERTI à la vitesse d'une GTI. C'est pour les gens qui restent discrets, qui baissent tous ceux qui l'ont trahi. Avec à isoler en renfort, on a la dalle mais pas la peur. On va pas nourrir le rap avec Popstar comme les restos du cœur. Crimé des cas vertige qu'a isolé, viens pour braquer. Te plaquer contre le sol avec moi de se rapper. On a entendu des portes claquer pour conquérir leur VIP. On va enfoncer des portes qu'elle leur retrouve pas la clé. Ce n'est pas possible, c'est un fantôme ou quoi ?